calcio Patrice Bergnieu. Bon, Montréal, ça a été une belle aventure. Une page se tourne et l'histoire continue. N'oubliez jamais les sensations, n'oubliez jamais les ovations, l'amour. Je voudrais remercier mes coéquipiers, c'est un plaisir de jouer ici, comme les siens. Et tout ce que je vous demande, ben, continuez de croire parce que même si cette année c'était difficile, on va revenir. C'est qu'un au revoir pour moi, mais vous allez me revoir, inquiétez-vous pas. Et nous, on va revenir plus fort. Merci, à votre tête. Merci. À la prochaine. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale en ce 22 octobre 2017. Pourquoi pas le jour Patrice Bernier? Non, on sait pas là, mais merci. Merci Patrice, merci capitaine. Le match 3-2 New England, un but de fou de Kellen Rowe en fin de match. Un tir de quoi, 25 verges? C'était tout un tir, en tout cas. 3-2, c'est pas grave. Saison est finie. 2017, on passe aux séries. On va en parler cette semaine à Soccer Today pour les auditeurs anglophones. On va peut-être faire quelques émissions en français durant les séries aussi pour poursuivre la MLS, mais pour finir la saison régulière, pour finir ce soir, là, Patrice Bernier. C'est de ça qu'on va parler. On va entendre Patrice, on va entendre Mauro Biello parler de Patrice, on va entendre Balou en plus aussi parler de Patrice. La fin, le début d'une nouvelle aventure, oui, la fin d'une grande carrière d'un joueur de soccer québécois, de Brossard, canadien, l'équipe nationale, que durant les prochaines années, on va regarder plus en détail. Et c'est dommage qu'on n'ait pas seulement d'image ou qu'on n'ait pas seulement pu voir Patrice jouer ici quand c'était sa carrière européenne à Tromso, quand il a joué à Nordjylland aussi. À Kaiserslautern, c'est quand même possible de voir les matchs qu'il a joué avec cette équipe-là, mais dommage qu'on n'a pas eu accès à la totalité de la carrière de Patrice en tant que supporter. On aimait ça même être plus au courant. Puis là, je parle de moi-même. Au début de la carrière de Patrice, au milieu des années 2000, j'étais pas le plus assidu du ballon. J'étais pas le plus assidu du ballon rond, non. Ça a pris quelques années. 2008, je dirais, a changé beaucoup. Et après 2008, j'ai commencé à découvrir le sport et tout. Mais pour venir à Patrice Bernier, c'est dommage qu'on n'a pas eu la chance de le voir durant sa carrière européenne évoluer à la télévision. Si c'était le cas aujourd'hui qu'un joueur de ce calibre-là, comme un qui joue en Europe et que c'est possible d'avoir les matchs à la télévision, ça serait une autre chose. Dans le temps, c'était pas possible. Aujourd'hui, on a d'autres options, les internets et tout, mais dans le temps, il n'y avait pas. Dans le temps, on était chanceux si on était capable de downloader une chanson. De télécharger une chanson sur Internet en deux semaines, mais ça, on parle d'une autre vie. Mais quand on regarde la carrière de Patrice Bernier, c'est vraiment, moi, il y a plusieurs moments qui me viennent à l'esprit. Oui, ce soir est un grand moment et on ne se cachera pas. J'ai remercié le gars des vues. Premièrement, j'ai parlé au gars des vues avant sur Twitter. Je me mentionnais, monsieur gars des vues, je ne vous demande pas grand-chose. Mais cette fois-là, ça serait pas pire de revoir le petit tir feinté de Patrice Bernier en tir de pénalité. Et comme de fait, comme... Qui écrit ça, là? Sérieux, là? Comme dans un film hollywoodien, pénalité. C'est sûr que c'est Patrice qui l'a tiré. On en parlait à Soccer Today, justement, Dwayne Rollins et moi-même, la semaine dernière. Dwayne, s'il y a un pénalité, là, s'il y a une faute dans la boîte, là, on se le cachera pas, ça, c'est Patrice qui tire. Là. Ça peut pas être aucun autre joueur. Et comme de fait, dès que le sifflet s'est fait entendre lorsqu'il y a eu la faute dans la boîte, ouais, la faute dans la boîte, contre Patrice, contre Nacho, qui a tout de suite, les 20 601 spectateurs au Stade Saputo savaient que c'était le tir de Patrice. Tout le monde se doutait que ça allait être Patrice qui allait tirer le pénalité. Et comme de fait, la feinte, le tir en bas à droite, Il déjoue Brad Knighton, qui a connu tout un match en passant. Brad Knighton, qui a choisi un bon match, malheureusement pour les fans de Montréal et pour les fans de Patrice, pour connaître un grand match. Mais quel but? Pénalité, l'égalité, et c'est 2-2. Et Patrice Bernier, c'est le premier but, je ne m'en rappelle plus. C'est plus grave. C'était-tu le premier but, deuxième but, trois? C'est plus grave, là. C'est pas grave. Là, on fête Patrice. Et c'était le fun. Je suis content. Genre, ce soir, je suis bien. C'est pas à propos de moi, c'est à propos de Patrice. Là. Qui a pu marquer. En plus, durant la demi qu'il jouait où ce que le gardien adverse était devant la cloche. Et aux commandes de la cloche ce soir, c'était les parents et la famille de Patrice Bernier. Donc, marqué sur un penalty, sur notre dernier match, devant les siens, littéralement. Pas juste 20 000 supporters, mais devant les personnes les plus proches, juste l'autre côté du filet. Là. Puis, on va l'entendre dans ses commentaires d'après-match plus tard, dans la conférence de presse. Ça va être un peu différent de voir. Ah ben, ma mère et mon père sont juste là. Pas de pression. Là. Penalty. Il s'est dit, d'habitude, il n'est pas un gars nerveux, mais là, cette fois-là, ça a été plus dur. Il a dû se concentrer pour reprendre ses esprits. Mais on va l'entendre un petit peu plus tard. On va entendre Mauro Bello dans quelques instants nous parler de Patrice pendant quelques minutes et Ballou aussi, qui a pris le temps de nous parler après le match durant le vestiaire de quelques aspects de la carrière de Patrice qui l'a suivi aussi, qui a bien aimé. Mais quoi dire? Quoi me rappeler? Là, je m'enlève plusieurs fois sur les réseaux sociaux. C'est quoi votre moment préféré de la carrière de Patrice? Quel moment vous a marqué? Et il y avait quelques moments qui sont revenus. Un but contre Toronto. Le 3-0 de Toronto, Montréal-Toronto, à Montréal, durant les séries. Première année que le Toronto FC a fait les séries, et ils se sont fait donner une volée par Montréal. Cette victoire de 3-0, ce but, ce frapper, si vous écoutez un podcast, vous ne voyez pas, là, mais je me frappe le chest, je me frappe le cœur, ce frapper, ce coup qui se donne à la badge après le but aussi, le baiser de la badge de l'Impact de Montréal, le baiser du logo, de l'emblème, des couleurs, ça a marqué les imaginaires, ça a marqué les esprits des fans de Montréal. Et ce moment est revenu plusieurs fois. Évidemment, la Ligue des champions 2015. Et quelques reprises aussi, j'ai été surpris. Les supporters m'ont parlé du but qui a marqué contre Edmonton, qui a permis à l'Impact de finalement gagner la Coupe des voyageurs, d'être classé pour la Ligue des champions 2014-2015, qui a, évidemment, on a vu la grande épopée de l'Impact, la grande aventure, grande épopée de l'Impact en finale de la Ligue des champions. Et tout ça a été causé à cause, en partie, du but de Patrice Bernier contre le FC Edmonton. Donc, c'est un autre moment qui revient dans les imaginaires des supporters lorsqu'on parle de la carrière du capitaine. C'est la 8e minute. Patrice Bernier. J'ai dit qu'à la 8e minute, je me lèverais et je chantais Patrice Bernier. Mais c'est un petit peu dur à faire au stade de tout ça dans Gary de Presse. Mais là, Patrice Bernier. Oui. Patrice Bernier. Ah. Mauro Bello, entraîneur de l'Impact de Montréal, suivi de Ballou et ensuite de l'homme de la soirée, Patrice Bernier. Il y avait des bons moments et il y avait des moments où on a donné des cadeaux. Et, encore une fois, on donne 3 buts comme ça. Et je pense qu'ils ont eu 5 tirs cadrés, 3 qui rentrent. De l'autre côté, on a eu des chances. Je pense qu'en première demi, on a bien créé des choses. On a bien joué les premières 20-25 minutes. Mais à la fin, c'était pas assez. Tu ne peux pas faire des erreurs continuellement de cette manière. Non, avec Patrice, écoute, j'étais content pour lui. On a célébré une grande carrière ce soir. On lui a honoré. Je pense qu'il mérite tout ça. J'étais content qu'il était capable de compter aussi devant ses parents aussi qui sonnaient la cloche. Alors, pour ça, j'étais content pour lui. Au niveau de qu'est-ce que j'ai dit, amuse-toi bien. Comme quand tu avais 5 ans. Et à la fin, c'est ça qu'il a fait. Coach, as someone who somewhat was in the same position as someone who was important for the city, for this club, is there something that you're particularly proud of, Patrice, maybe on and off the or off the field, that you really are proud of what he brought? Yeah, I think, you know, leadership comes in many forms, and for Patrice, he's a guy that led by example, and you know, he's the oldest on the team, but he didn't miss one training session this year, and that's an example set to others. And the way he took care of himself to be able to play this this long, I think it's compliments to him and his professionalism. And in the end, like I said, he's a leader, and by example, that's something that a lot of young players, in terms of his approach and his preparation, is something that a lot of the younger players could learn from. Was this as emotional a send-off as you probably have lived, at least here at the Impact? Yeah, it was emotional. It was tough. You know, even pre-game, he spoke, and you know, it was emotional. And you know, during the week, he said he didn't know how he would react, and I said, "Pat, it's gonna hit you at one point," and it did, as he came off the field. But in the end, you know, those are obviously tears of joy, for sure, for a career that that he had. Sorry, yes, Mauro, how much of a downer is it for you, you know, on such a big occasion like this, to lose 3 points the way you did tonight? Yeah, it's a huge downer, for sure. It just, you know, it symbolizes our season. It's a, you know, it's as if there was other forces out there ending this game. And you know, there's so many things that we could look at and reevaluate. But for sure tonight, you know, the second goal, to just a giveaway. You know, a guy like Saint Pierre has like a 95% passing accuracy almost every game, and you know, he loses that one, and then they go in the first one. Both center backs come out. There's no cover. Boulder should be in a covering situation. And then the last one, a shot, and we don't make the play, and they win this game. Coach, in a season where, I mean, obviously it was frustrating for you guys, like, special moments like this, is it kind of what makes it special to be part of a team, like, even if it didn't go according to plan? Yeah, I think everybody today wanted to push for Patrice, obviously. He's a good guy, and they wanted to honor him in the right way. You know, it's something to play for that long, and for sure in front of his friends and families is something even extra special. And I think the players pushed and did everything they could to give him that send off that he got. And it just seems like the way that it's kind of been like the microcosm of the season. You guys pushing, you come close, and then at the end, just something that happens. Is that kind of how you envision how the season? Yeah, there's a lot of things that we saw tonight that were repeated throughout the season, that's for sure. You know, and unfortunately, those are things that put us in the position that we're in. And, you know, in the end, there are situations that can't happen at this level, certain goals that we gave. And good teams are going to hurt you, and that's what they did tonight. Quand il arrivait, ça changeait directement. Il y a soit la musique ou soit une discussion commence, puis on parle de foot, on parle du Barça surtout, parce qu'il aime beaucoup le Barça. Donc, c'était tout. Quand Pat était alentour de nous, il y avait tout le temps quelque chose qui se passait. Sur le terrain, tu t'es mis à genoux, tu tenais à lui rendre hommage. J'imagine que c'est difficile de lui exprimer toute ta gratitude dans un moment comme celui-là. Ah, il le mérite pour tout ce qu'il a fait pour ce club-là, malgré les hauts et les bas. Donc, ça venait de tout mon cœur, il fallait que je me rabaisse parce que c'est vraiment un grand. Merci Balou. Ça fait plaisir. Rapidement, on va revenir sur le match. Est-ce que c'est frustrant de voir que c'est encore une fois les mêmes problèmes depuis toute la saison qui sont venus monter pour cette dernière rencontre? Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a essayé de gagner au moins les 3 points, mais c'était pas ce qu'on s'attendait. Puis au départ, on a joué pour Pat, on a fait le meilleur de chacun. C'est sûr que le résultat, il n'a pas été celui qu'on le souhaitait, donc c'est décevant, mais voir Pat qui prend sa retraite, c'est encore plus décevant, donc c'est plus ça qui nous choque en ce moment. Banu, je ne sais pas si on t'a posé la question, désolé, mais ça fait du bien de terminer la saison sur quand même une bonne note sur le plan personnel, là, une belle passe sur le but égalisateur de Matteo. Ouais, c'est sûr que ça fait quand même longtemps que j'ai pas eu le temps de jeu. Donc faire une passe décisive comme ça au dernier match de Patrice Bernier et le stade rempli, ça fait vraiment chaud au cœur, puis je suis vraiment content. En tant que jeune joueur de ce club qui a passé par l'académie et tout, qu'est-ce que ça t'a donné de côtoyer un gars comme Patrice Bernier en termes d'apprentissage autant sur le terrain qu'à l'extérieur? Ah, j'ai beaucoup appris en tant qu'humain avec Patrice Bernier et tous mes collègues. Donc ils ont tout le temps été là pour moi dans le vestiaire, à l'extérieur, pour me donner des conseils et tout. Donc je suis vraiment content, je suis le plus jeune, puis j'ai pris tous les atouts de chacun de ce vestiaire, de leurs erreurs et leur côté positif. Donc je suis vraiment content. Balou, on connaît ton désir d'évoluer peut-être en Europe, de continuer ta carrière. Est-ce qu'on peut s'attendre à te voir quand même avec le maillot de l'Impact de Montréal l'année prochaine? Est-ce que tu as des dénouements de ce côté-là? Non, moi, mon but, c'est de rester. Je suis content ici, puis je suis content d'avoir des collègues comme Patrice Bernier, comme Ambroise, qui sont là pour me conseiller pour mon futur. Donc c'est sûr que mon coup de cœur, ce serait de rester, mais ça a toujours été mon rêve aussi d'aller en Europe, donc on verra. Merci, Balou. Ça fait plaisir. Balou. Patrice Bernier. Patrice, peux-tu nous parler un peu de quelles sont les émotions que tu avais présentement? Comment tu as vécu la sortie? Oui, la sortie, c'était difficile, beaucoup d'émotions. T'es triste parce que c'est fini, mais aussi, quelque part, t'es content parce que tu l'as vécu tout ce temps-là. Donc, tout ça vient. En plus, bon, t'es chez vous. Tout ce qui vient avec, c'est une vie de professionnel, c'est quand même une vie de famille. Donc, il y a beaucoup de choses. Tu sens que tu quittes, mais ouais, c'est tourner la page. Donc, difficile quand c'est ça que tu as fait depuis tout petit, puis c'est ce que tu voulais faire depuis tout petit. Il faut tourner la page. Mais non, à la fin, j'apprécie, parce que comme j'ai dit, j'ai la chance de finir chez moi, puis pas tout le monde a la chance de faire ça. Puis, content d'être ici aussi à l'Impact de Montréal, parce qu'à la fin, j'ai grandi, le club a grandi. Donc, les choses vont enfin. Donc, c'était pas évident. Penser à tes parents, ta famille, tes amis. Mais ouais, après ça, ouais, là maintenant, un peu plus tranquille. Ce sont toujours là les émotions, mais au moins, donc la pression d'être descendue un peu. Patrice, au moment du pénalty, à quoi tu penses? Est-ce que tu as le cœur qui débat? Qu'est-ce qui se passe sur ce pénalty-là? D'habitude, je suis très, très, très calme. Cette fois-là, ça faisait un petit bout de temps. La seule fois que j'ai tiré depuis longtemps, c'est à Vancouver, donc je n'avais pas marqué. Donc, beaucoup de choses qui viennent, mais après ça, j'ai pris mon inspiration normale. Après ça, le reste, c'est devenu normal. C'est cadré tout le monde. Puis en plus, je sais que mes parents sont juste derrière le but, donc c'est pas évident parce que je savais. Donc, tu penses à beaucoup de choses. D'habitude, tu ne penses pas à tout ça. Après ça, ça s'est bien placé. Puis marqué, content. À la fin, c'est comme la marque de commerce, on va dire, depuis les 6 ans que j'ai été ici. Puis, quasiment, c'est ça que tout le monde souhaitait. Donc, c'est arrivé. Donc, dans le sens, tant mieux, mais j'aurais préféré quand même gagner. Donc, ça aurait été compétiteur. Je déteste perdre, mais à la fin, c'est bien. C'est bien. Comme je dis, là, c'est la fin de la saison, la fin d'un chapitre, mais l'histoire continue. Ton père nous en a parlé, Pat, mais d'où il vient ce petit move-là, cette petite feinte-là que tu as fait lors de toutes tes pénalités? Oh, écoute, mon père m'a dit plein de choses quand j'étais petit à propos de prendre des pénalties. J'ai enregistré tout ça, puis tu portes attention à des choses que les gardiens font. Puis j'ai remarqué que, j'ai pas inventé ça, il y avait des joueurs qui faisaient ça bien avant. J'ai remarqué que ça fonctionnait, puis quand c'est venu, j'ai juste décidé de faire ce petit geste d'hésitation, parce que tu vois que les gardiens de but maintenant sont tellement bons, sont rapides à partir. Mais si tu peux les faire hésiter un peu, bien, ça fait que ça te donne un délai de temps pour aller de l'autre côté ou de marquer. Même là, j'étais pas exceptionnel où j'ai tiré, mais c'est parce que le gardien de but était un peu en retard. C'est comme ça que j'ai réussi à marquer parce qu'il n'arrive pas à avoir l'impulsion qu'il pouvait être. Donc, c'est des petites choses que tu remarques à travers le temps, à regarder les joueurs jouer et les gardiens de but. Mourou nous a dit que tu t'es adressé au groupe avant le match. Je sais pas très ce que tu as dit au gars. Vous autres, vous avez vu dehors, mais c'était difficile. D'habitude, tu as l'énergie pour inspirer, mais tout ça vient t'habiter puis tu réalises que c'est la dernière fois que tu parles au groupe. Donc, c'est le speech que peut-être le pire speech que j'ai donné parce que à la fin c'est vraiment les émotions qui ont pris autant. Même le début du match, je pense que ça a pris du temps avant que je puisse vraiment aller puiser de l'énergie pour jouer et de pas penser à que c'est la fin. Donc, comme je t'ai dit, je sais pas s'ils vont en faire une vidéo, mais clairement, ça c'est pas le speech que je vais être le plus fier de. Simon, Pat, tu es sorti à la 81e minute, je pense, ou à la 80e minute. Comment, c'était quoi ton impression, c'était quoi ton feeling quand tu as dit « Ok, là, je sors, c'est fini » Ben, ça faisait un petit bout de temps que je regardais là. J'étais pas vraiment dans le match, puis je commençais à être fatigué. Puis je sais qu'aussi Chamit Chom, Maro m'avait parlé qu'il voulait faire jouer. Puis je voulais pas juste continuer à jouer, puis qu'il rentre pour 2 minutes. Fait que, en même temps, je me suis dit, si je sors un peu plus tôt, ça lui donne un 10 minutes de la réalité du terrain. Et puis en même temps, comme je dis, moi, j'étais fatigué, donc j'aurais pu faire semblant et continuer, mais je savais que c'était lui normalement qui allait jouer. Il était supposé jouer le dernier match, mais vu l'envergure du match, il a pas eu sa chance. Et il y a ça aussi qui vient, que tu dis que bon, le jeune qui continue, lui, s'il peut avoir quelques minutes et non pas avoir des secondes, je dis que je suis le gars qui est rentré pour Patrice Bernier. Donc, il y a tout ça. Puis il restait 10 minutes, puis en plus, peut-être mettre des jambes plus fraîches parce qu'on a quand même égalisé là, à ce moment-là. Pat, what kind of night was it for you? Was it stressful? Was it no, fun? No, it was a friend's wedding, so you know, and so it allowed me not to think of today. Left early, but it allowed me. Actually, yesterday I was with a lot of friends that I played soccer to the youth ranks. So in a way, it's kind of fitting that you get to meet, see the guys that they are. So most of them were here today. The guys that you dreamed of playing and being here. So. Yesterday, it was kind of like a nice moment to be able to not really think of what tomorrow is going to be because everybody's talking about it, but I didn't want to just focus on how I'm going to react to the next day. So, today's game, how was that for you? Today, yeah. It's the, you know, you come out, like I said in the speech, when I came back from the warm-up, I could feel that, you know, now you're really thinking of everything. And usually I don't, and usually I'm quite good at it, but just everything comes out. And then the game, like I said, even the beginning of the game, everything, it was difficult because, yeah, you have mixed emotions. You know what you've done to accomplish, but you know where you're stopping, but I also know that I'm staying here at the club and I'm keeping on, so all these things. And today, like I said, it was like yesterday, I told you I was at a wedding, but today I had a lot of family members at home, and usually I don't like people at my house because I like to focus on the game. So, but that's that. So, enjoyed it because, like I said, I saw a lot of people, and I recollected of what not just the 18 years, the whole process, and being around people that wanted to do the same thing as me, and I lived the whole path with all these people that saw me play, and I could live it with them. Au cours des dernières semaines, il y a eu un gros build-up vers ce match-ci. J'imagine que tu n'as pas trop eu le temps d'y penser, mais maintenant que tu as franchi ce cap-là, j'imagine que bon, tu vas prendre beaucoup de temps pour te reposer, passer du temps avec la famille. Mais comment tu entrevois justement le début de ton après-carrière comme joueur ici au sein du club? Oui, j'ai déjà parlé avec Adam puis Philippe Lafoy, donc voir quand est-ce, avoir un peu de temps de répit. Et commencer, puis là, c'est un peu d'anxiété, mais un peu curieux. Je suis dans le même monde, le football, mais je suis dans le monde du coaching, qui n'est pas quelque chose que je connais régulier, quotidien. Mais non, je suis excité parce que c'est d'aller voir qu'est-ce que c'est, puis de comment je vais pouvoir partager mon expérience aussi, puis de voir comment l'académie fonctionne, puis tranquillement travailler à une autre fonction. C'est vraiment, c'est mes repères, c'est le terrain. Et là, ça va être tout différent d'être sur le terrain, mais pas en tant que joueur, de déconnecter, de dire que c'est pas toi qui es sur le terrain qui fait les choses, ce sont les autres, et de comment tu peux partager. Donc, mais je suis entre bonnes mains, il y a des bonnes personnes. Comme je dis, Philippe, je suis très content d'être avec lui. J'ai déjà parlé à Mauro souvent de commencer, parce que je l'ai vu lui aussi quand il a arrêté et tout ça. Et, mais non, j'entrevois ça un nouveau chapitre au club, et en espérant que je pourrai apporter plus que ce que j'ai apporté en tant que joueur. Mais comment tu as conscience de ton héritage, qu'est-ce que tu laisses comme trace dans l'histoire de ce club et pour la communauté québécoise de manière plus générale? Ben, écoute, je le vois, beaucoup de monde envoie des messages. C'est là que tu réalises l'étendue de ce que tu as fait, de ce que le monde porte attention, les jeunes, les moins jeunes. Et mon héritage, difficile, parce que moi j'étais le premier donc à l'ère MLS. Je suis quand même le dernier de l'ère NASL et Ligue Saint-Claude Robillard, c'est ce que j'appelle. Et là, c'est un nouveau cycle. Mais non, là, tu as les Samuel Piette, tu as les Jack Salamel, les autres qui continuent. Moi, je suis juste à la fin un joueur, mais on va le voir dans les prochaines années. Moi, je serais juste content quand je suis un jeune plus tard, dit que c'est parce qu'il était venu, puis qu'il m'avait joué, puis que c'est ça qui l'inspirait à venir à l'Impact, puis à vouloir être joueur de soccer. Donc, avant tout, je voulais performer, vendre le soccer, vendre l'Impact de Montréal, et puis que réaliser qu'ici, c'est pas juste une place pour le hockey. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup à Patrice Bernier. Pas juste pour ce soir, pas juste pour le temps qu'il a pris toujours pour parler avec les médias, pour répondre aux questions dans les bons, dans les mauvais temps, après les dures défaites. Je ne veux pas dire à 100%, parce que c'est arrivé une fois ou deux qu'il n'est peut-être pas présent, mais quasiment toujours présent pour les médias, pour les supporters, pour les fans, pour les causes charitables. Patrice était un modèle sur le terrain, en dehors du terrain, dans le gymnase, en dehors du terrain, en tant que membre de la communauté de soccer, en tant que membre de la communauté où il est, de Montréal, de Brossard, de la région, du Québec, du pays, avec sa contribution pour l'équipe nationale, surtout. Pas été facile, sa carrière avec l'équipe nationale, de pas dans un temps nécessairement le plus prolifique pour avec l'équipe nationale, mais Patrice, lorsque demandé, toujours dit oui. Même quand c'était pas facile. T'as sur le banc lors d'une certaine partie au Honduras que on aimerait bien oublier. Ce serait facile à oublier si tu n'arrêtais pas d'en parler, je suis d'accord. Mais en tout cas, Patrice Bernier, on va se souvenir de toi pour les merveilleux moments sur le terrain. Les merveilleux moments que tu as marqué, les pénalités, justement. C'est devenu un peu la marque de commerce, comme tu mentionnais, durant ton entrevue après-match. On va s'ennuyer de toi, par exemple, pour beaucoup plus que seulement le capitaine de Montréal. Mais on se console en se disant que ce n'est qu'un au revoir. Parce que je crois, et c'est l'opinion de plusieurs, que dans quelques années, on pourrait voir un Patrice Bernier apparaître sur les lignes de côté en tant qu'entraîneur, entraîneur-chef, entraîneur adjoint. Le temps dira, et le temps dira où et quand et surtout comment. Mais une chose est sûre, ça va arriver. Patrice Bernier, ce n'est qu'un au revoir, mais en finissant, en mon nom personnel, merci d'avoir toujours été présent lorsque j'étais fatiguant avec un micro devant toi. Merci énormément pour la découverte d'un sport qu'à travers toi, à travers le trajet que tu as fait en Europe, découvrir, pas seulement forcé, mais fait apprécier le sport pour plusieurs diverses raisons. Et en étant un pionnier, meilleur joueur du Québec, dans MLS, ça c'est sûr. Pour plusieurs raisons aussi, Patrice. En mon nom personnel, merci. Félicitations surtout. Et oui, le trophée de la MLS Cup t'a peut-être échappé. Mais je crois avoir décelé une certaine ambition de gagner ce trophée en tant qu'entraîneur. Seulement avec le commentaire que tu as terminé ta conférence de presse avec en disant « Et j'espère que je peux en faire beaucoup pour le club encore. Peut-être plus. » Je crois qu'il y a une certaine ambition de trophée cachée à l'intérieur de ce commentaire. Et pour ça aussi, je te dis merci. Et à la prochaine fois, ben, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux à commercial Kev Laramé et sur Facebook, Kevin Laramé. Cherchez, vous me trouvez, je suis le gars en habit qui regarde dans le néant sur sa photo. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, c'est les séries. Pour suivre les séries de la MLS, vous pouvez écouter Soccer Today si vous aimez l'émission anglophone avec Dwayne Rollins et moi-même. Et je vais sûrement faire une ou deux émissions spéciales durant les séries dans le nouveau studio en français sur les séries complètes de la MLS. Mais comme à l'habitude, jusqu'à la prochaine fois, bon soccer!